still, 'cause I'm still. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 décembre et nous souhaitons une bonne fête au Nicolas. Ça vient du grec signifiant victoire du peuple. Nicolas n'est pas dépourvu d'un certain charme, mais il n'en joue pas forcément. Il préfère plaire par les démarches sensées et subtiles de son jugement que par sa séduction pourtant innée. C'est un homme réservé, inquiet, qui bien que charmant et communicatif, n'aime pas parler de lui-même et demeure secret. Il sait se montrer dynamique et volontaire. Doué d'une grande force de persuasion, il est à même de commander et d'avoir la première place. Nicolas possède des capacités d'organisation et n'apprécie guère de n'être qu'un simple exécutant. Sa capacité de travail est importante. Son intelligence est pratique, mais aussi analytique, et son esprit tend à être sceptique, critique et parfois caustique. C'est en effet pour se défendre ou se protéger qu'il glisse une pointe d'humour ou d'ironie dans ses propos, mais le 7 karmique peut aussi le conduire sur les routes de l'irrationnel, car son intuition, s'il veut bien l'écouter, est développée. Ce même nombre est également souvent la cause de tourments, d'anxiété, parfois même de déprime. Dicton du jour, l'hiver est souvent là dès la Saint-Nicolas. Neige à la Saint-Nicolas donne froid pour 3 mois. Nouvelle lune à Saint-Nicolas dans les champs, c'est du verglas. Saint-Nicolas fait les bons mariages, guérit de la fièvre et de la rage. Saint-Nicolas marie les filles avec les gars, ou encore si Nicolas plus ses oies pour des mois, l'hiver est là. Célébration internationale aujourd'hui en Argentine, c'est la journée nationale du gaucho. Au Canada, c'est la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. En Espagne, c'est le jour de la Constitution, commémorant le référendum de 1978 qui a approuvé la Constitution actuelle. En Finlande, c'est la fête nationale. Et chez nous, tout comme en Alsace, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Croatie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en République tchèque, en Roumanie, au Royaume-Uni, en Slovaquie et en Suisse, eh bien c'est la fête de la Saint-Nicolas. Et dans les événements qui se sont déroulés un 6 décembre 1492, découverte d'Hispaniola par Christophe Colomb, appelé aussi Saint-Domingue ou Haïti, 1917, indépendance de la Finlande. Allez, tout de suite, première pause musicale avec REM et leur titre Everybody Hurts. When your day is long. Thank you. Le groupe REM sur RJM. Sarim, il est un peu plus de 8h38. On parle maintenant anniversaire. Ils sont nés en 6 décembre 1929. Naissance de Philippe Bouvard, journaliste français, humoriste, présentateur télé et radio. 1938, naissance de Patrick Beauchaud, acteur belge, vu dans La Collectionneuse, dans le rôle d'Adrien. Dangereusement Vôtre, dans le rôle de Scarpine. Panic Room, dans le rôle de Stephen Altman. Le film 2012, dans le rôle de Roland Picard. La série Le Caméléon, les saisons 1 à 4 dans les rôles de Sidney et Jacob Grimm, alias 24 heures chrono, Numbers, Castle ou encore Crossing Lines. 1948, naissance de Jo Beth Williams, actrice américaine, vue dans Poltergeist 1 et 2 dans le rôle de Diane Frilling, la série télé 24 heures chrono, Numbers, Dexter, Private Practice dans le rôle de Busy Montgomery, la mère d'Addison Montgomery. 1953, naissance de Tom Hulce, acteur américain, connu pour son rôle de Wolfgang Amadeus Mozart dans le film Amadeus, vu également dans Jumper. 1956, naissance de Peter Buck, musicien américain, guitariste du groupe REM. 1958, naissance de Nick Park, réalisateur de films d'animation britannique, à qui l'on doit Chicken Run ou encore Wallace et Gromit. 1963, naissance de Stéphane Guillon, humoriste français. 1967, naissance de Judd Apatow, réalisateur, scénariste, producteur américain des films 40 ans toujours puceau, En cloque, mode d'emploi, Funny People, 40 ans, mode d'emploi, ou encore la série télé Freaks and Geeks. 1976, naissance d'Estelle Denis, journaliste animatrice télé française. 1978, naissance d'Arnaud Ducré, comédien humoriste français, vu dans Les Profs 1 et 2 dans le rôle d'Éric, le prof de PS, Amour et Turbulence, Adopte un veuf dans le rôle de Paul Gérard Langlois, Les Nouvelles Aventures de Cendrillon dans le rôle de Marco alias Le Prince, Gaston Lagaffe dans le rôle de Lontarin en 2018, dans Monsieur Je sais tout dans le rôle de Vincent Barthaud. La saison 6 de la série Fais pas ci, fais pas ça, et depuis 2013, il joue dans Parents, mode d'emploi. 1982, naissance de Ryan Carnes, acteur américain, connu pour son rôle de Lucas Strawberry Jones dans la série Hôpital Central et son rôle de Justin dans Desperate Housewives. C'est également l'année de naissance d'Alberto Contador, ancien cycliste espagnol, ayant fait carrière de 2003 à 2017, qui a remporté un classement mondial UCI en 2009, champion d'Espagne du contre-la-montre 2009, qui a gagné 7 grands tours, le Tour de France 2007-2009, le Tour d'Italie 2008 et 2015 et le Tour d'Espagne 2008, 2012 et 2014. Il a remporté également le classement du meilleur jeune du Tour de France 2007, le classement du combiné Tour d'Espagne 2008 et 2014, le prix de la combativité du Tour d'Espagne 2012, 2016 et 2017. Il a remporté 10 étapes de grands tours, 4 sur le Tour de France, 6 sur le Tour d'Espagne. Il a remporté le Paris-Nice 2007 et 2010, le Tour du Pays Basque 2008, 2009, 2014 et 2016 et le Tirreno-Adriatico en 2014. 1988, naissance de Walidia, comédien humoriste français, découvert dans l'émission On ne demande qu'à en rire, vu au cinéma dans L'Ascension dans le rôle de Max, La Finale ou encore Taxi 5, les séries Commissariat Central dans le rôle de Vince et Les Chamois dans le rôle de Maxime. C'est également l'année de naissance de Sabrina Ouazani, actrice française, vue dans L'Esquive dans le rôle de Frida, Des Hommes et des Dieux, Tout ce qui brille dans le rôle de Sandra, De l'autre côté du périph, Pattaya dans le rôle de Lilia, Taxi 5 dans le rôle de Samia Malklouf, Demi-sœur et plus récemment dans Break dans le rôle de Lucie. En 1892, décédé Ernest Werner von Siemens, inventeur industriel allemand, mania du génie électrique. 1983, décédé Lucienne Boyer, chanteuse française. En 1988, décédé Roy Orbison, chanteur américain. En 1989, décédé Sammy Fain, compositeur américain qui a composé des chansons pour 3 longs métrages Disney. Alice au Pays des Merveilles en 1951, Peter Pan en 1953 et La Belle au Bois Dormant en 59. Et justement, eh bien, on va aller au monde des enfants avec Peter Pan, un petit extrait donc de la musique composée par Sammy Fain. Tell you that the dreams you've had. star to the right shines with a light so red. And if it's Neverland to me, its light will lead you there. Twinkle, twinkle. Voilà pour Peter Pan. Allez, on continue. On reste en 1989 avec également le décès de John Payne, acteur américain connu pour son rôle de Fred Gelee dans le film Le Miracle sur la 34e rue. En 1998, décédé César, sculpteur français qui fait partie des membres des Nouveaux Réalistes et également le créateur du trophée en bronze de la cérémonie des Césars du cinéma français. En 2000, décédé Werner Klemperer, acteur allemand connu pour son rôle du colonel Klink dans la série télé Papa Schultz. En 2011, décédé Dobby Gray, chanteur-compositeur américain, connu pour le titre The In Crowd, dont on écoute tout de suite un extrait. Pour l'extrait donc de Dobby Gray. En 2016, décédé Peter Vaughan, acteur britannique connu notamment pour son rôle de Maître Aemon dans 11 épisodes de la série à succès Game of Thrones. Allez, on va tout de suite marquer une pause avec Lucienne Boyer et son titre Parlez-moi d'amour. Dites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas loin de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ces mots que j'adore. Votre voix au son caressant, qui les murmurant frémissant, me berce de sa belle histoire. Et malgré moi, je veux y croire. Parlez-moi d'amour. Redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu fou. La vie est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin des vies apaisées et se console d'un baiser. Du cœur, on guérit la blessure par un serment qui le rassure. Parlez-moi d'amour. Redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. je vous aime. Parlez-moi d'amour, Lucienne Boyer sur le 107 FM. Il est presque 8h49, on parle maintenant météo. La météo. Eh bien aujourd'hui, ce sera une journée nuageuse et pluvieuse. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés ce matin, entre 10 et 11 degrés pour cet après-midi. Vendredi sera une journée mitigée. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 10 et 11 degrés l'après-midi. Samedi, journée mitigée également. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 6 et 7 degrés prévues pour samedi après-midi. Voilà pour la météo. On passe maintenant à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On va commencer avec les résultats de football hein, de la Ligue 1 d'hier soir. Bordeaux qui s'est imposé 3-2 face à Saint-Etienne. Nîmes s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Caen. Dijon s'est imposé 2-1 face à Guingamp. Rennes s'est imposé 2-0 sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Marseille s'est incliné à Nantes 3-2. Toulouse s'est imposé 1-0 à Reims. Et enfin Strasbourg a fait match nul avec le Paris Saint-Germain. 1-partout. Un mot de basket maintenant avec les résultats de NBA. Cette nuit, l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier en grande forme avec 26 points s'est inclinée 118-124 face à Denver après prolongation. L'équipe de Charlotte de Nicolas Batum et Tony Parker s'est inclinée face au Minnesota 121-104, 18 points pour Batum, 5 assistances pour Tony Parker. Et cette nuit, eh bien, c'était les premières minutes de Joakim Noah avec sa nouvelle équipe de Memphis. Il a joué 12 minutes 59 pour être exact. Il a inscrit 4 points et 3 rebonds et son équipe de Memphis s'est imposée 96-86 face aux Clippers de Los Angeles. Un mot de biathlon avec Pokluka et ça va aller très très vite puisque l'étape l'individuel d'hier a été annulé. L'invité surprise, ça a été le brouillard. Le jury a donc décidé d'annuler l'individuel, décision validée hein, notamment par Martin Fourcade hein, qui s'est exprimé notamment sur les réseaux sociaux en disant que c'était une très bonne décision. Donc pas de biathlon hier, mais alors double dose aujourd'hui avec tout d'abord le rendez-vous à 10h15 pour l'individuel messieurs hein, on retrouvera eh bien nos six français hein, Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux, Émilien Jacquelin, Antonin Guigona et Fabien Claude, et notre second Vosgien courant sous les coureurs belges, Florent Claude. Et cet après-midi, nous retrouverons les dames avec l'individuel, hein, 15 km, en espérant que tout se passe bien hein, aujourd'hui. Sinon, ça va être très compliqué pour redistribuer les épreuves, puisque vendredi, il y a sprint, samedi, il y a sprint féminin, et dimanche, ce sont les poursuites. Mais aujourd'hui, les dossards pour les filles, dossard numéro 7 pour Julia Simon, dossard numéro 29 pour Célie Aymonier, dossard numéro 67 pour Enora Latuyère, dossard 79 pour Anaïs Chevalier, le dossard 92 pour Anaïs Besseron. Il faudra attendre la toute fin pour retrouver Justine Brezaz. Elle partira avec le dossard 101. Elle partira en avant-dernière position. Un mot de handball féminin maintenant avec l'Euro et le tour principal. Ça y est, pour les Françaises, ça commence dès ce soir à 18h. Match contre le Danemark. Les prochains rendez-vous, ce seront samedi à 15h contre la Suède et mercredi à 21h contre la Serbie. Et un mot de tennis, selon nos confrères de l'équipe, Lucas Pouille aurait décidé de s'entraîner maintenant avec Amélie Mauresmo. Lucas Pouille qui s'était séparé de son entraîneur il y a quelques temps maintenant, et bien aurait décidé de faire confiance à Amélie Mauresmo qui, je vous le rappelle, sera la future capitaine de Coupe Davis. Et on va parler de l'Open d'Australie qui est dans un petit peu plus d'un mois maintenant. Et deux wildcards ont été accordés à des Français. La première pour Joe Wilfried Tsonga et la seconde pour la toute jeune Clara Burel, 17 ans seulement. Et bien voilà, elle est invitée à disputer l'Open d'Australie. Voilà pour l'actualité sportive. m'a tout de suite marqué notre dernière pause musicale avec franchement une chanson que j'adore. Enfin, en tout cas, j'adore le film dans lequel on entend notamment cette chanson. C'est le chanteur, c'est Roy Orbison et la musique, eh ben, c'est Oh Pretty Woman. Pretty Woman, Roy Orbison sur RGM. Vous aurez bien reconnu, bien évidemment, la musique du film Pretty Woman, hein, du même nom. Allez, il est presque 8h57 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir avant de se quitter. Un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel. 13h30, la rediffusion de la chronique de Michel. 15h, à l'écoute des jeunes avec Cassandra. 16h, les années bonheur avec Gilou. 18h, l'heure des loups avec Lou, consacrée à Qu'est-ce que la santé. 20h, jukebox. 23h, rock à la Casbah. Nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.